social mou, en fait, quoi, ça ne marche pas. Les gens en fait, c'est hey ce social, ça ne marche pas, ils continuent. Je suis pas d'accord, je m'arrête, on va reprendre parce que c'est pas possible. La machine ne marche pas, c'est le bordel, ça va pas. Tu fais de la arche d'œil, j'ai envie de te faire chier. Bah voilà, bah ouais, je peux faire des trucs avec le ménage machin. Non, c'est évident. Petit bourgeois. Oh, bourgeois. Alors ça, jamais. Mais depuis hier soir alors. Ouais, depuis hier soir ça marche. J'ai écrit, il y a une fog. Il y a rien qu'à la rigueur, tu pourrais tomber sur les machines ou moi je pourrais. Ouais, vas-y, vas-y, allez, allez, allez, allez. J'ai dû en plus. Alors moi. Comment ? Je ne porte pas. Ah, tu l'as pris. Il n'y a rien de café là.